prouve ma rage. Qu'il prouve ma rage, je veux me venger, je veux me venger. Qu'avez-vous? Angèle, cruelle, une affaire nouvelle, rend votre terre ici. Vous avez pu changer, moi, perfide, volage, votre cœur est un papillon qui vole où le plaisir le flatte davantage. Votre fille est un tourbillon qui vole, qui porte le ravage. C'est un papillon, c'est un papillon qui vole. Je brise le nœud qui m'engage. Dégagez-vous, dégagez-vous de moi et portez ailleurs vos breuvages. Je brise, oh ciel, je brise.